Ton réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Comment, 6 heures? Bonjour, nous sommes le lundi 22 février 2016. Merci de commencer la semaine et la journée en notre compagnie. Un autre jour est possible, votre réveil culturel en deux temps. D'abord, tête chercheuse, une ou un spécialiste développe toute la semaine une analyse ou une expertise. Et cette semaine, c'est l'universitaire Pauline Rossi qui nous retrace l'histoire du Grand Paris ou comment on a imaginé, inventé, construit l'extension de la capitale française depuis le début du XXe siècle jusqu'au projet d'aujourd'hui. Les paris du Grand Paris, c'est dans un instant. Un autre jour est possible, c'est aussi l'actualité culturelle, avec tous les jours en deuxième partie un invité. Aujourd'hui, Jean-Marc Laclavetine viendra nous parler de son dernier roman. Et j'ai su que ce trésor était pour moi, édité chez Gallimard, bien sûr. Roman d'amour qui déclare aussi sa flamme à la littérature. Les paris du Grand Paris par Pauline Rossi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante au département art de Valenciennes. Vous avez soutenu une thèse autour de l'Est parisien, jeunesse d'une reconquête de 1919 à 1975. Et vous venez d'éditer aux éditions La Découverte un beau livre autour des Le Sage, un siècle d'architecture et d'aménagement de Paris au Grand Paris, avec Simon Texier. Aujourd'hui donc, on va commencer cette série autour de Paris. Mais pour commencer, qui sont les Le Sage? Pourquoi cette famille est très importante pour comprendre Paris d'aujourd'hui et l'aménagement du Grand Paris? Alors les Le Sage, en réalité, c'est une dynastie de 3 architectes. Le grand-père Victor, qui arrivait à Paris en 1893, son fils Robert Le Sage et le petit-fils Pierre Le Sage, que j'ai eu le plaisir de rencontrer et avec qui nous avons eu, avec Simon Texier, le plaisir de travailler pour cet ouvrage. Alors, les Le Sage ne font pas partie des architectes qui ont été les plus publiés de leur temps, que ce soit Victor, Robert ou même Pierre. Les historiens les ont connus un peu par des chemins de traverse. Déjà, les Parisiens peuvent les connaître en arpentant quelques rues. Par exemple, la rue Eurial de Hénin est quasiment entièrement signée de Victor Le Sage et Charles Milgen, son associé de l'époque. Et donc, c'est par cette première approche qu'on arrive à les retrouver. Ensuite, moi, j'ai eu le plaisir de découvrir les travaux de Victor Le Sage dans le cadre de ma thèse, puisque je me suis posé la question du Grand Paris, et il s'est avéré que Victor Le Sage, avec son associé toujours Charles Milgen, ont été les deux seuls architectes à proposer, lors d'un grand concours d'urbanisme organisé en 1919 pour inventer le Grand Paris, ont été les deux seuls à proposer une proposition exclusivement concentrée sur l'Est parisien. Et comme c'était l'objet de mon étude et que j'ouvrais ma thèse en 1919, c'est par ce biais-là que j'ai appris à les rencontrer. Après, d'un point de vue plus personnel peut-être, cet ouvrage est un peu né comme une histoire faubourienne, c'est-à-dire par une somme de rencontres dans le quartier du Faubourg Saint-Antoine, qui a été mon premier sujet d'étude quand j'ai commencé mes travaux. Et c'est en réalité, nous sommes 3 voisins qui nous sommes rencontrés, qui ont décidé de mettre en place cet ouvrage. Donc les Le Sage sont importants parce qu'ils font partie justement de ces architectes un peu anonymes, que si on ne connaît pas personnellement, on a du mal justement à retracer leur carrière. carrière et leur production, mais une fois qu'on prend la mesure de leur œuvre, et surtout à travers ces trois générations, on se rend compte que c'est eux qui ont grandement participé. Ils font partie de ces anonymes qui dessinent notre paysage quotidien, nos rues, que ce soit dans Paris ou même jusqu'en banlieue pour la troisième génération. À côté de ça, ils avaient une approche très pragmatique de l'urbanisme, c'est-à-dire qu'ils prenaient un urbanisme qui est faisable et réalisable de suite. Et dans ce sens-là, effectivement, ils nous aident à nous projeter dans un Paris plus lointain. Est-ce qu'eux-mêmes se projetaient dans ce Paris lointain ? Alors, ça a été un grand sujet de discussion avec Pierre Lesage, donc le dernier descendant. Est-ce qu'effectivement, Victor Lesage pouvait se projeter dans le Paris qu'on connaît aujourd'hui ? En 1919, ils ont fait partie des plus raisonnables. C'est-à-dire que, alors que la plupart des grands concurrents de ce fameux concours ont essayé d'imaginer Paris à une échelle gigantesque, eux se sont concentrés vraiment sur la portion de l'est de la capitale et ont essayé d'aménager dans un premier temps les fortifications, mais aussi de tracer un axe monumental qui relierait enfin Bastille et la porte de Vincennes pour faire un pendant qu'on attend toujours à la place de l'Étoile. Donc c'est dans ce sens-là effectivement qu'ils se sont projetés dans le Paris actuel, mais avec pour autant des problématiques de leur temps et qui sont donc un peu plus resserrées que le grand Paris qu'on attend aujourd'hui. Alors vous qui rendez donc hommage à ces architectes pas médiatisés, c'est le moins que l'on puisse dire, et pourtant ils sont très importants, on le verra durant toute cette semaine avec vous, Pauline Rossi. Moi je vais vous citer une déclaration de l'architecte d'aujourd'hui, très connu, très médiatisé, Jean Nouvel, qui disait que à propos de Paris, que aujourd'hui on peut aménager Paris, on peut s'arranger pour construire des nouveaux bâtiments, mais que les fondements de la ville de Paris sont déjà posés et depuis très longtemps. Effectivement, Paris est la ville lumière par excellence et du coup on lui plaque une image très unifiée. En réalité, on se rend compte que dans la plupart des quartiers parisiens, cette ville lumière qu'on attribue en gros au paysage haussmannien ou post-haussmannien est beaucoup plus hétéroclite. Et ça a été une découverte des architectes et des historiens dans les années 1970 de voir Paris différemment, pas comme une ville unifiée mais comme une ville de stratification avec par exemple des faubourgs beaucoup plus hétéroclite que ne l'est véritablement cette fameuse ville-lumière. Donc effectivement, Paris est un peu ce qu'il est et on ne peut pas mettre à bas les trois quarts de Paris. Pour autant, pendant des générations, on a pensé réformer Paris de façon assez volontariste ou en tout cas plus volontariste. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a encore effectivement une capacité de faire peau neuve dans certains quartiers de la capitale et il faut qu'elle soit mise à profit, bien entendu. Alors pour reprendre le titre de la série, les Paris du Grand Paris. Aujourd'hui, quand on parle du Grand Paris, on parle de l'aménagement des banlieues parisiennes plutôt, non ? Oui, effectivement, mais c'est l'histoire de cette ville qui a grandi de façon concentrique. Donc, petit à petit, les anneaux s'élargissent et puis la banlieue, la notion même de banlieue s'élargit elle aussi. Mais le Grand Paris ne peut être pensé qu'avec le Paris, on aurait dit, fut un temps intramuros, c'est-à-dire que ce sont deux entités effectivement assez différentes, mais qui doivent réussir à former un tout. Et donc, il y a bien l'enjeu fondamental est d'arriver à lier ce Paris-Ville-Lumière avec une banlieue parisienne qui, elle, a une toute autre image. Et il s'agit justement de tisser des liens qui permettraient véritablement de donner corps, ne serait-ce que dans la notion de paysage urbain, à un Grand Paris. Alors, comment, pour vous, Pauline Rossi, se dessine le Grand Paris ? Comment il se dessine aujourd'hui ? Il se dessine déjà d'un point de vue légal, et c'est là un peu que le bât blesse, parce que ça prend énormément de temps à être mis en œuvre. Après, de façon très concrète, en histoire de l'architecture, c'est encore un peu balbutiant, c'est-à-dire qu'il va falloir mener plus de recherches sur des périodes aussi très contemporaines pour arriver à comprendre les paysages du Grand Paris et voir si oui ou non il y a une homogénéité. Est-ce que l'architecture a sa place dans ce débat ? Mais je repense aux travaux d'Yves Lyon, de l'architecte Yves Lyon, que j'ai eu l'occasion et avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger très rapidement. Effectivement, les architectes doivent aussi et se posent actuellement ces questions-là, c'est-à-dire du rôle que l'architecture et l'urbanisme pourraient avoir dans le fait de tisser des réseaux urbains. Et là, c'est un peu leur cheval de bataille normalement, donc les Les réflexions sont en cours, les travaux aussi, et je pense que ça va petit à petit donner lieu à de belles réalisations. Mais il faut malheureusement que la ville a un temps long et on ne peut pas la presser plus qu'il ne faut. Aujourd'hui, un architecte est forcément un urbaniste. Est-ce que c'était le cas à l'époque des Lesage au début du XXe siècle? Non, du tout. Et il faut avoir en tête que l'école d'urbanisme, l'Institut d'urbanisme de Paris, naît en 1919. Donc, il est tout à fait contemporain du premier grand concours d'urbanisme pour le Grand Paris. Donc en réalité, on ne peut pas se dire urbaniste, normalement, si on n'a pas suivi un cursus qui établirait le fait qu'on soit urbaniste. Mais à côté de ça, il y avait des personnages tels que Léon Jossely qui se revendiquaient urbanistes. Pourquoi ? Parce qu'il avait fait des plans d'aménagement et d'extension des villes. Donc c'est à travers ces plans d'extension, de planification et d'urbanisation qu'on arrivait, que les praticiens ont réussi petit à petit à se dire urbanistes. Mais c'est une notion qui, en 1919, est réservée à une toute petite élite, je dirais, de théoriciens. Et c'est, dans le cas de Victor Lesage et de Charles Mitjen, c'était d'abord des architectes qui avaient l'ambition de penser la ville à grande échelle, une échelle un peu nouvelle, mais à côté de ça, je ne pense pas qu'il se soit revendiqué comme urbaniste au sens propre du terme et contemporain tel qu'on l'entend aujourd'hui. Alors, comment se dessine le Grand Paris? C'est l'objet de notre série cette semaine, en compagnie de Pauline Rossi. On part justement du début du XXe siècle pour voir comment Paris va se développer, va conserver son patrimoine, tout en aménageant et en construisant des nouveaux espaces, en élargissant aussi la ville. On va voir à quoi ressemblait et comment a été pensé le Paris post-haussmannien. On va parler aussi des paysages anonymes mais dominants, les Lesage, comment ils sont investis pour imaginer puis construire l'Est parisien, et puis ensuite, au fur et à mesure qu'on avancera dans l'histoire de Paris, on va voir, on en parlera bien sûr de la reconstruction de Paris à travers le logement social, ça c'était dans les années 60-70, mais aussi la reconquête de Paris après-guerre et toutes les prospectives, c'est-à-dire le nouveau Paris et le devenir faubourien. Toute cette semaine avec vous, Pauline Rossi, on se retrouve demain à la même heure pour le deuxième épisode. Tout à fait, merci. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel. Et mon invité ce matin est Jean-Marie Laclavetine. Bonjour. Bonjour. On va parler de votre dernier roman, édité par Gallimard. Et j'ai su que ce trésor était pour moi. On entendra la fin de l'interview pour vous donner peut-être une clé pour comprendre le titre du dernier roman de Jean-Marie Laclavetine. Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est un roman d'amour, oui, d'une part, et un roman d'amoureux de la littérature. J'ai voulu mêler justement les deux, montrer que l'amour contient déjà de la littérature en lui-même. C'est-à-dire que un amour, c'est aussi le récit d'un amour, c'est aussi la légende d'un amour qui se construit en permanence. Ça n'est pas seulement une relation dans le présent, c'est une relation qui se modifie au fur et à mesure en se construisant un rêve, une légende. Extrait. Tu penses à quoi ? Julia, tu penses à quoi ? À moi ? À nous ? Je veux que ces histoires te réveillent, qu'elles te parlent de nous si fort que tu en ouvres les yeux. Tu me verras alors, tu verras ton vieux Marco assis dans le fauteuil chromé. Tu diras simplement « Tu es là ?» avec un sourire. Oui, c'est bien moi. Baignant dans la lueur bleutée de l'ordinateur posé sur mes genoux, plus mal peigné que jamais, plus amoureux que jamais, plus fou et plus lamentable que jamais. Il y a de quoi sourire. Clic, clic, clic, la petite mécanique, tu t'en souviens ? Un rien nous suffisait. Une image, une anecdote, une chose vue, un dialogue volé dans la rue, et c'était parti, en avant la littérature. Nos histoires inventées étaient notre royaume. À force de partager à toute heure nos envies de romans, nos débuts de romans, nos bribes d'intrigues, nos croquis, nos petites et grandes nouvelles, nous avions fini par vivre de l'autre côté. Julia, je ne te laisserai pas sombrer. Tu es au bord du grand trou. Je te retiens. Je te sauve. Je vais reprendre nos anciennes histoires. Quand tu seras debout. Quand tu seras vivante. Pleine de rires et de cris de bonheur et de cris de plaisir. Quand de nouveau, nos peaux feront des étincelles en se touchant. J'y arriverai, tu vas voir. Après tout, Scheherazade est bien parvenue à ses fins. La petite futée a fini par clouer le bec à son sultan psychopathe. Qu'ai-je de moins qu'elle ? Dis-moi. Julia, entre la vie et la mort, et Marco, qui est là, à son chevet, persuadé qu'avec les histoires, parce qu'il écrit des histoires comme elle, il s'agit de deux écrivains, parce que il est persuadé que les histoires peuvent lui donner vie. Oui, c'est leur territoire, ce sont les steppes infinies où ils peuvent courir ensemble, parce que leur amour est un amour clandestin, un amour compliqué. La vie de Julia est pleine de mystères, pleine de silence aussi. Mais quand ils se retrouvent, c'est pour arpenter ces territoires-là, ceux de la littérature, ceux des histoires qu'ils inventent avec passion, avec folie, dans des registres très différents qui peuvent être le comique, le tragique, la violence. Il y a de tout dans leurs histoires, tout ce qui fait la vie. Et leur amour se construit là-dedans. Et votre roman se construit à partir de ces histoires que Marco va raconter à Julia. Il y a plusieurs histoires, des ébauches d'histoires, des histoires qui s'entremêlent, des histoires qui ont bien sûr un rapport avec la grande histoire du roman, c'est-à-dire la grande histoire d'amour entre Julia et Marco. Oui, c'est une histoire d'amour qui se construit vraiment dans la fiction. Et c'est ce qui m'intéressait, c'était un peu le défi que je me suis lancé, c'est-à-dire à la fois raconter une histoire d'amour, mais surtout la raconter à travers une construction narrative un peu compliquée, avec des histoires qui ne font pas que s'accumuler, c'est-à-dire qu'il ne fait pas que raconter une histoire après l'autre, il raconte des histoires dont on s'aperçoit qu'elles ont des liens entre elles, et qu'elles ont des liens avec leur propre histoire, avec leur passé. Et puis cette idée géniale, cette idée qui rappelle que ce roman qui aurait pu être le roman de toutes les époques est un roman moderne, ce passage d'un écran à l'autre, parce que Marco vient avec son ordinateur et il surveille un peu l'autre écran, l'écran qui est branché sur la vie de Julia. Oui, c'est-à-dire qu'il mesure la qualité des histoires qu'il invente, qu'il lui raconte, en voyant les courbes sur l'écran du cardiogramme. Enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle, ces moniteurs, et qui font des petits bips, qui font une sorte de musique lancinante. Et quand il raconte un épisode particulièrement touchant ou qui doit rappeler à Julia des épisodes de leur passé, il voit les courbes qui s'agitent, il voit la vie qui revient. Et cette vie, elle revient par la littérature, par la fiction. C'est quoi le point de départ de ce roman, Jean-Marie Laclaftine ? Au départ, il y avait une image qui était celle des renards. Un ami m'a raconté qu'il avait vu dans une rivière gelée, dans le Jura, une renarde et son petit pris dans la glace. Et cette image m'a vraiment hanté pendant des mois et je me suis dit qu'il fallait que mon roman naisse de ça. Mais après, quand j'ai commencé à raconter l'histoire des renards, je me suis rendu compte que je partais dans l'écriture d'un thriller. Enfin, c'était l'histoire d'une femme poursuivie par son mari fou furieux. Elle fuit avec ses enfants. C'est une des histoires qui est racontée dans le livre. Mais je ne voulais pas que tout mon roman soit écrit sur ce mode-là, un peu haletant, un peu polar. Et je voulais que ce soit un roman d'amour. Et m'est venue ensuite l'image de Marc et Julia, de ce couple clandestin qui ne vit que dans l'obscurité, qui vit grâce à la complicité d'une infirmière qui introduit Marco tous les soirs dans l'hôpital. Et la conjonction de ces deux récits a donné naissance à ce roman qui en fait est un bouquet d'histoires. À partir de ce dispositif de base, j'ai pu faire fleurir beaucoup d'histoires. C'est un dispositif qui aurait pu continuer sur 1000 pages, bien sûr. À quel moment vous avez eu cette image, ce décor de Julia sur son lit d'hôpital entre la vie et la mort et Marco qui vient lui raconter l'histoire? C'est étrange parce que quelqu'un m'a fait remarquer que c'était exactement l'histoire de mon premier roman que j'ai écrit en 1980. Et déjà, alors là c'était une femme qui était à côté du corps de l'homme qu'elle avait aimé et qui lui racontait leur histoire. Et c'est une scène qui s'est reproduite dans un autre roman qui s'appelle « Matin bleu » que j'ai écrit, mais presque à mon insu, en fait. Je me suis rendu compte à ce moment-là que c'était une sorte de scène originelle dont je ne pourrais pas dire... Enfin, je sais à peu près d'où elle vient dans mon histoire à moi, mais ça n'était pas... volontaire, en fait. Mais c'est quelque chose de très profond. Et c'est profond, mais est-ce que c'est réfléchi? Parce que on se dit que c'est peut-être une manière de rendre hommage à la littérature. La littérature, c'est toujours entre le vrai et le réel et la fiction. Là, on est entre la vie et la mort. Et on se pose toujours cette question de la part du réel, de la part de la fiction. Et comment la fiction, surtout pour ce couple, a nourri le réel? Oui, mais parce que j'ai toujours cru que la littérature me sauverait d'une certaine façon, parce que rien n'est aussi puissant, rien n'est aussi beau, rien n'est aussi harmonieux et vous sauvez de quoi, Jean-Marie Lactalis? De l'ennui, de la mort, de tout ce qui est de la nuit. La littérature, c'est une lumière. Moi, j'ai toujours cherché, à la fois comme lecteur et comme écrivain plus tard, à retrouver l'émotion extraordinaire que j'ai eue, par exemple, en lisant Les Trois Mousquetaires quand j'avais 12 ans ou 13 ans. Là, j'ai mesuré la puissance prodigieuse de la littérature. Et je me suis dit que la vraie vie était là. J'avais envie de retrouver ça. C'est la belle histoire de vos histoires, la littérature? Oui, oui, tout à fait. Belle histoire de nos histoires. Nous étions tellement abrutis de fiction, il ne faut pas s'étonner aujourd'hui qu'elle déborde, qu'il en ait partout. Les personnages s'évadent, ils sont là, où bon leur semble, je ne les retiens plus. Je n'ai plus la force ni l'envie de les contrôler. J'ai ouvert les grilles des cages, ils se promènent d'une histoire à l'autre, sans aucun respect pour les murs d'enceinte, ce qui me permet... Un autre extrait, bien sûr, de « Et si j'ai su que ce trésor était pour moi », une manière aussi de vous poser cette question, Jean-Marie Lactalis, comment vous écrivez? Comment j'écris? Ouais, parce que ces histoires, ces personnages qui vous habitent, qui vous échappent... J'écris dans une grande concentration. Au moment où je suis plongé dans un roman, c'est vraiment très, très fort. Il y a une force d'attraction. J'écris plutôt la nuit, plutôt le soir ou le matin, mais pendant la journée, je suis accaparé par d'autres occupations, des lectures notamment. Mais oui, j'ai besoin de beaucoup de solitude et c'est un sentiment, c'est pas un sentiment de toute puissance, mais de profonde harmonie. C'est un grand bonheur, l'écriture. Qu'est-ce qui est programmé? Qu'est-ce qui vient de l'inspiration? Qu'est-ce qui vient du travail? Par exemple, pour la construction de vos personnages? En fait, la construction, elle se fait petit à petit, au fur et à mesure. J'ai toujours une image de base qui était, bon, en l'occurrence, celle des renards et puis celle de ce lit d'hôpital. Mais à partir de là, ce sont des fils que je tire progressivement et je ne sais absolument pas où je vais au départ. Je pars dans le brouillard. Je ne sais pas ce qui va se passer. Ça se construit petit à petit. Quand j'écris, j'ai des surprises en permanence. Je ne sais pas, au moment où je m'assois à mon bureau, je ne sais pas ce qui va jaillir, ce qui va sortir, tous ces êtres inconnus que j'apprends à connaître, toutes ces situations imprévisibles, imprévues, ça a quelque chose d'extraordinairement excitant. Et c'est un très grand plaisir. Alors évidemment, entre les phases d'écriture, il y a les phases de doute, oui, les moments de panne, où je suis dans la barque, en plein milieu de l'océan, il n'y a plus un souffle de vent, j'ai plus de rame. Et là, ce sont des périodes assez difficiles, mais on ne sait pas pourquoi, d'un seul coup, ça revient. Et une fois que le roman est parti, plus rien ne peut l'arrêter en réalité. Jean-Marie Laclavetine, est-ce que vous acceptez ce matin de nous donner l'explication de ce beau titre énigmatique « Et j'ai su que ce trésor était pour moi ». Oui, alors, disons que sans tout à fait dévoiler... Ouais, c'est dur, ça va être dur. Ça va être un peu compliqué, mais disons qu'un des personnages du livre est une jeune femme, beaucoup plus jeune que l'homme qu'elle aime, et elle raconte le jour, la première fois où elle a vu cet homme. Cet homme, donc, qui avait 30 ans de plus qu'elle, à peu près, et elle lui dit... Et elle ne cesse de réinventer ce moment de la rencontre, et elle lui dit « Je t'ai vu, j'ai vu tes cheveux clairsemés, tes épaules tombantes, ton teint gris, tes cernes, ta peau ridée, et j'ai su que ce trésor était pour moi. » Un très beau roman d'amour, c'est édité chez Gallimard. Dear Donna Don, what a dotty. Et c'est le moment du questionnaire de l'autre jour est possible. À vous de jouer, Jean-Marie Laclavetine. Première question. Alors, première question. Le dernier livre offert. Je crois que c'est un livre d'Elena Ferrante, qui était l'amie prodigieuse. Offert à qui, sans être trop indiscret de mon part. Offert à un ami. Deuxième question. La deuxième question. Le roman qui vous a fait le plus peur. Alors là, j'ai rarement peur moi, dans les romans. C'est plutôt de la joie que je ressens, ou même, je dirais peut-être Beckett finalement. Molloy, qui est un livre qui a énormément compté pour moi, et qui à la fois m'a beaucoup fait rire, m'a ému aux larmes et m'a fait très peur, parce qu'il dit des vérités qui sont effrayantes parfois. Encore une question. Un personnage romanesque qui vous ressemble le plus, je pense que c'est... Mais pas d'un roman de moi, alors. Hein. Bah non, pas forcément. Mais ça serait toujours Molloy, je pense. Pourquoi ? Parce que c'est un... J'ai ce sentiment... quand j'ai lu Beckett et Molloy en particulier, j'ai eu le sentiment d'une proximité extraordinaire avec ce personnage. Ce sentiment qu'il n'y a aucun sens, qu'on ne sait pas où on va, et que pourtant il faut y aller. Et que malgré tout, la vie est là, même si les ruines sont partout. Et c'est déjà la fin de l'émission. Merci d'être passé ce matin. Merci à vous. Jean-Marie Laclavetine, je rappelle le titre de votre dernier roman, « Et j'ai su que ce trésor était pour moi », dans la collection Blanche de Gallimard. On se retrouve demain, bien sûr, pour la suite de notre série consacrée au Grand Paris, du Grand Paris, avec Pauline Rossi. Et en deuxième partie, je recevrai Denis Lemasson. Générique de fin par mon invité Jean-Marie Laclavetine. C'était Un autre jour est possible, une émission de Tawfik Hakem, tous les matins à 6h ou quand vous voulez, en passant par l'écoute en ligne ou le podcast disponible sur franceculture.fr. Pour vos remarques, suggestions et interrogations, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux habituels. Un autre jour est possible a été préparé par Anaïs Isbert et Pascaline Bonnet. À la technique, Pierre Mine, une réalisation de Thomas Duterre. Merci beaucoup. Bonne matinée à vous. Bonne matinée tout le monde, à demain.